C'était une assemblée générale du hockey mineur d'Albaume-Sassigny la semaine passée. J'ai pas pu me rendre, mais bref, on va quand même faire une entrevue avec le président Danny Lavoie pour savoir un peu comment que ça a été, l'assemblée générale. Et il y a des problèmes également à l'horizon. Peut-être pas de castor cette année, ce serait assez incroyable. On en parle avec Danny Lavoie. Salut, Danny. Salut. Danny, d'abord, on va parler du hockey mineur. On va te parler de la problématique des castors d'Albaume. La semaine passée, il y avait l'Assemblée générale du hockey mineur. Vous avez annoncé un budget, un profit de 27 000. Sur un budget de combien, en passant? Hein? Un budget aux alentours de 60 000 $. OK. Et le budget provient de où? Ben, en fait, tout d'abord, on commence avec nos inscriptions. On a fait nos inscriptions à un niveau le plus bas possible. Ça nous permet de faire nos frais. On parle des taxes d'utilisateurs, on parle des codes parts AFD, des assurances, les droits qui sont en rapport avec Hockey Québec. Puis le profit qu'on a réussi à dégager cette année, c'est que depuis plusieurs années, on s'était serré la ceinture énormément. Donc, on avait retardé de beaucoup l'achat d'équipement, puis on utilisait... On usait jusqu'à là les occupants qu'on avait actuellement. Puis les bonnes performances des tournois qu'on a eues depuis deux années, c'est-à-dire que tous nos tournois, tous les comités, tous les bénévoles ont fait des efforts incroyables pour amener des sous, faire rentrer de l'argent dans la machine, pour nous permettre de dégager ce profit-là cette année, pour pouvoir aller renouveler les équipements qui ont besoin d'être renouvelés, recommander les sets de chandails qui sont dus, faire les achats des mini-bus, etc., pour la prochaine saison. OK. Cet argent-là, ce profit-là, revient, il est presque exactement là, presque au dollar près relié aux revenus des tournois pour l'année qui vient. OK, donc ça a quand même été... Évidemment, si tu n'as pas de tournoi, c'est plus difficile. C'est les tournois qui sont la vache à lait du ce que je peux voir. Là. Ben, effectivement, pas de tournoi, ça égalerait les coûts d'inscription du double pour tout le monde. Il faudrait trouver d'autres formes de financement pour arriver à changer les équipements qui ont besoin d'être. OK. Donc, est-ce que vous avez accepté également, y a-t-il de nouvelles personnes qui arrivent au conseil d'administration? Absolument. Ben, avec la fusion des deux hockey mineurs, donc Normandin et Deauville-Crécy sont maintenant qu'un seul hockey mineur, un seul organisme, donc un seul comité maintenant. Fait que oui, cette année, il y avait 80% du staff du comité qui était à renouveler. Fait qu'on a beaucoup de participants de Normandin qui sont joints à nous aussi. Les premières réunions sont faites. On en a encore une cette semaine d'ailleurs pour le bon fonctionnement. Fait que l'entente est très belle. La collaboration est très belle aussi. Les deux villes, d'Albaume-Sassigny, Service des loisirs et la municipalité de Normandin, tout le monde est sur le même pied d'égalité là pour l'hockey mineur. Donc, ça va très bien. C'est un beau départ actuellement. On n'en trouvera pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, c'était une nécessité. C'était rendu nécessaire de par le fait qu'on avait des belles inscriptions à gauche et à droite. Là. C'était difficile en tant qu'hockey mineur indépendant de survivre. Mais 300 jeunes, je me sens que c'est meilleur que les autres années. C'est pareil. On est quand même des chanceux, mais ce qui nous permet de garder ce niveau-là, c'est qu'on a beaucoup de pré-novices et de novices cette année qui rajoutent à ça. On a toujours des départs à chaque année. On a des jeunes aussi qui quittent le hockey. On a des jeunes qui se dirigent dans d'autres sports. On a des jeunes qui s'en vont dans la structure intégrée. On a aussi les nouveaux programmes cadets, juvéniles qui s'installent un peu partout dans la région. On parle d'Alma, de Chicoutimi. Ça graine des jeunes un peu là, de chaque côté. Fait qu'on réussit malgré tout à avoir une bonne participation. OK. Un bon tour d'institut. Là, j'ai su les derniers jours que les castors de Albaume sont menacés de ne pas être là cette année. Il me semble que c'est... Pour moi, là, c'est invraisemblable. Les castors de Albaume, écoute, je pense que c'est des années 50-60, il y avait une équipe dans le temps. Pas d'équipe cette année, ce serait incroyable. Bien, ce serait une solution de vraiment de drastique, là, mais c'est pas la première affaire qu'on regarde. Là. Moi, je veux rassurer tout le monde là, que le problème qu'on a actuellement au niveau du midget, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs de vétérans. Il y a des jeunes des années 2000-2001 qui montent tout le temps midget. On a tout le temps une cohorte qui était moins nombreuse au niveau des inscriptions. Fait que là, on la vit cette année. On est dedans, là. On a même pas 30 jeunes encore au niveau midget pour être inscrits. Si on regarde les règlements de Hockey Québec, normalement, à partir de 30 jeunes, tu peux commencer à faire une équipe double. On peut le faire en bas de ça aussi, mais on va s'assurer qu'on a des jeunes qui sont capables de faire ce calibre-là. Il n'est pas dans nos intentions pour l'instant de dire hey, on ne fait pas de mesure de vie, ça n'aurait pas de bon sens. On sait que les castors, c'est une institution. Mais malgré tout, il faut qu'on s'assure que les jeunes vont être dans le bon calibre. On a une difficulté actuellement aussi qui est à essayer de nommer un entraîneur pour le midget double lettre. On est encore en train de parler avec des candidats, mais je te dirais que c'est difficile pas mal. On a des plans B, on a des plans C, mais ça va. Fait que là, pour le début des camps, il n'y a toujours pas d'entraîneur qui est installé. Fait que c'est le staff du hockey mineur qui le fait, responsable des entraîneurs. Les responsables des catégories sont là. On a d'autres entraîneurs des autres catégories qui participent à l'élaboration de ces camps-là aussi pour s'assurer que nos jeunes sont là. Fait que c'est ça notre difficulté actuellement. On est en train de regarder des solutions là à gauche et à droite pour essayer d'éviter justement de dire « Hey, gars, on ne fera pas de midget 2B cette année. » Parce que nous autres aussi, honnêtement, on trouve que ça n'a pas d'année. Benoît. On veut présenter ce calibre-là. On y tient, ce calibre-là, de toute façon. Le CA y tient aussi. Je pense à Stéphane Royer, entre autres, et à Camille, qui tiennent aussi à avoir leur équipe. Nous autres aussi, c'est tout à fait normal. Fait qu'on est en mode solution pour éviter justement qu'on soit obligé de dire « Gars, on va. » Moi, il y a une solution que... parce que chez Chicoutimi, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas d'équipe ou qu'ils ont une équipe, mais c'est difficile, manque de joueurs, et ainsi de suite. Moi, je disais, tandis qu'à Saint-Félicien, il y avait 75-100 jeunes, c'était terriblement. Moi, je me disais, les équipes qui sont assurées, les joueurs qui sont assurés pour faire l'équipe, ben pourquoi qu'on les met pas au ballotage et les équipes pourraient les piger dedans, les autres équipes? Sauf qu'il y a une logistique qui serait plus compliquée, là. Mais moi, j'ai entendu dire à travers les branches que beaucoup de joueurs partaient pour Alma, entre autres. Oui. Est-ce vrai? Oui, il y en a quelques-uns du juvénile. Ben, ça, c'est un peu à travers la région. Si tu regardes, nous, de notre côté, il y a, je pense qu'il y a juste un jeune qui provient du hockey mineur de Dolboum Stassini qui s'est classé juvénile là, avec les Lynx à Alma. Par contre, il y en a quelques-uns de niveau Bantam là, qui proviennent de notre hockey mineur qui sont rendus à Alma avec les cadets Lynx. Okay. Oui, ça joue un peu dans notre situation dans laquelle on se retrouve là, avec un petit peu de manque de joueurs. Puis c'est des joueurs de bon calibre qui se ramassent là parce que c'est des joueurs de qualité. Mais des options, tu me parles d'essayer de faire un repêchage, de récupérer des jeunes au ballotage. Ben, tu sais que par hockey mineur, les accréditations, les jeunes, théoriquement, il faut qu'ils obtiennent des libérations au ballotage. C'est sûr que ça fait toujours partie des possibilités, des fois. Mais chaque hockey mineur est dans notre situation. Il y en a de moins en moins de jeunes, fait qu'est-ce qu'il faut se dégarder? Fait que là, il faut tout le temps réfléchir aussi. J'ai dû avoir assez de jeunes pour présenter un midget simple lait, je vais-tu avoir assez de jeunes pour faire un B, etc. Il faut tout le temps que le jeune se retrouve dans la bonne catégorie. Fait que c'est pas toujours nécessairement de rendre service, d'envoyer un jeune jouer ailleurs. Il y a des contraintes aussi sur le temps, sur les déplacements. Fait qu'il y a c'est pas évident. Je te dirais que c'est pas évident. Mais tant qu'à faire une équipe, puis pas avoir une équipe compétitive comme v'là 2 ans, ça donne quoi? Ben, qu'est-ce que ça donne? Écoute... C'est décourageant pour les jeunes, là. Oui, c'est ça. Là, la situation, il faut que ce soit clair pour tout le monde dans ce temps-là. Si jamais, cette année, on décide de présenter un midget 2B, qui est toujours dans les intentions, puis c'est la première option, on va y aller avec le calibre qu'on va avoir. Au bout du camp d'entraînement, les jeunes qui vont avoir été évalués, on va être en mesure de prédire un peu quel type de saison on va pouvoir avoir avec ces jeunes-là. Il va falloir être réaliste. Si on prévoit que la saison va être difficile, ben, il va falloir que les gens soient conciliants, il va falloir qu'on motive nos jeunes, il va falloir qu'on ait une approche particulière pour le dire, regardez, cette année, ça s'annonce plus difficile pour nous, on a décidé de faire un midget 2B quand même, on va grandir là-dedans, on va essayer de progresser, on va essayer de s'améliorer, on va axer sur le plaisir de jouer, les petites victoires, les détails, etc. C'est un peu l'optique qu'il va falloir qu'on ait dans le fond, parce que si on prévoit une équipe qui va avoir de la difficulté à aller chercher des victoires, ben, il va falloir s'arranger ailleurs que nos jeunes restent motivés et qu'ils gardent le plaisir de jouer. Parce que le midget, c'est dur un peu. Hein. Les jeunes n'écoutent pas au sport, ils se cachent, ils ont des affaires, ils vont à l'école, il y a le travail. Il y a plein de particularités qui vont nous toucher. Là. OK. Moi, ce que je comprends pas là-dessus, c'est que les optimistes, je les appelle les rapides Bantam, ils étaient là l'an passé, puis c'était quand même assez compétitif. Normalement, c'est les rapides l'année après montent midget. Oui. Il y en a quelques-uns qui montent. OK. Il y en a tout le temps quelques-uns qui montent. Et l'année passée, tu n'avais pas beaucoup de vétérans qui pouvaient s'en venir midget cette année. Il y en a quelques-uns qui sont encore là d'ailleurs, qui vont être là cette année. La grosse problématique, c'est plus au niveau des départs, pas sur les bantams du monde, parce qu'ils ne sont pas capables de combler tous les départs qu'il y a eu avec le nombre de vétérans qui étaient là cette année. Comment dire, il n'y a pas assez de bantams qui montaient de calibre 2B pour pouvoir pallier au manque avec le départ des vétérans. OK. Est-ce que c'est sûr que l'an passé, c'était un problème de coach, les autres années, Daniel Tremblay était là l'an passé, sauf que c'était, donc là, ça n'a pas trop paru. Mais moi, je me disais, l'avenir des Castors, ça ne passerait pas par la polyvalente Jean Delbault, que ça deviendrait une espèce de sport-étude avec Jean Delbault, entre autres. C'est, pas quelque... c'est sûr que là, on est des coupures budgétaires, mais c'est pas quelque chose d'envisageable, ça. Bien, pour le hockey mineur, pour l'instant, c'est pas dans notre optique. Parce okay. qu'on en regarde un petit peu, c'est un petit peu le RSEQ, le Réseau Sportif ouais. québécois, au niveau du hockey, ce qui s'installe dans la région, c'est un petit peu un compétiteur pour nous actuellement, parce qu'il va chercher des inscriptions, il va chercher des gens. Par contre, c'est des bons programmes, je t'avoue, c'est des ouais. systèmes qui fonctionnent bien, puis éventuellement, moi je pense que c'est appelé à 7 ans. Hein, les commissions scolaires, je pense qu'ils sont ouais. le monde, il y a du monde là-dedans qui est pas fou, ils vont les implanter, les sports-études, ça garde les jeunes à l'école, ça les motive, puis il y a moyen de faire de quoi qu'il y a de l'allure, ça s'installe tranquillement pas vite, ça grossit au niveau de la province de Québec au complet, au niveau du hockey, le football a fait ses preuves, il y a d'autres sports qui ont fait deux preuves, fait pourquoi pas, je le sais pas, actuellement, c'est sûr que nous autres, de notre côté, on va essayer de garder notre monde, on va essayer de fonctionner dans notre réalité, puis écoute, c'est une voie qui est développée éventuellement, puis qu'il y a un partenariat avec Hockey Québec et le RSEQ, ben, on verra. OK. Mais, là, tu t'attends à... Là, il y a combien de jeunes actuellement qui sont prêts à jouer cette année, là, actuellement? Là? Comment vous êtes? À 13h03? Ouais. Ma midget, actuellement, j'ai 28 ou 29 jeunes inscrits. Ça, il n'en manque pas gros, pareil. Il en manque pas gros, mais à un ou deux joueurs près, il n'y a pas de problème. À trois ou quatre joueurs de plus, c'est parfait. On commence à être beaucoup plus compétitif. Fait que ça joue là. OK. Donc, OK. Là, tu vas vous donner combien de temps pour prendre une décision sur les Castors? Bien, écoute, théoriquement, si on regarde les échéanciers de la Ligue régionale, on aurait jusqu'au 11 septembre pour prendre une décision. OK. C'est très court, on s'entend, là, c'est même pas deux semaines. Là. Donc, il va falloir que ça bouge dans les prochains jours. Ce soir, j'ai une réunion à Hockey Saint-Jacques d'ailleurs, c'est peut-être un point qui va être à l'ordre du jour, on va le rajouter. On va avoir des discussions là-dessus. Mais je peux te dire actuellement que le comité travaille fort. Là. Les gars et tout le monde est à pied d'œuvre, on essaie de trouver des solutions. On se réunit d'ailleurs demain ensemble ici localement pour faire une réunion sur la gang ensemble. Fait qu'on va discuter de ça aussi, puis on va voir comment ça va aller pour les camps. C'est assez. J'espère que ça n'arrivera pas parce que les Castors, écoute, c'est plus de 1950. C'est une institution. Donc, il ne faudrait pas que ça arrive. Ouais. Je vais te faire venir Dany la semaine prochaine parce qu'il y avait d'autres sujets. Mais je veux te parler quand même de. Parce que là, on sort du match à Robertval, les Saguenayens contre les Cataractes de Shawinigan. C'était un succès exceptionnel à Shawinigan. Très bel événement. Moi, je me dis, est-ce que là, je sais que les Saguenayens sont très ouverts à revenir dans le haut du lac. Ça peut devenir même quelque chose d'annuel. Est-ce que l'an prochain, parce que le hockey mineur de Delbault-Missassini pourrait postuler pour avoir ce match-là? Parce qu'à quelque part, 6 000 $ de profit au hockey mineur de Robertval, c'est très bon. Je me dis, pourquoi pas? Bien, absolument. Écoute, si les Saguenayens sont ouverts à se déplacer comme ça en région, on sait que là, bon, il y a un attachement particulier pour Robertval avec le nombre de joueurs, les jeunes électeurs des Cataractes qui sont là aussi qui viennent jouer là, puis le fait qu'il y a un grand entraîneur qui tient son école de hockey là, mais pourquoi pas? Écoute, s'ils sont prêts à sortir du corps de Chicoutimi et à venir comme ça dans les hockey mineurs, c'est sûr qu'on va faire tentative pour les appuyer. Parce que Samuel Girard, l'an prochain, devrait jouer encore avec les Cataractes. Donc, c'est encore un no contest. Donc, peu importe, le match fait Delbault, les gens de Robertval vont venir. Hein. C'est ça que je me dis. Comme Jérémy Fortin, qui provient de notre secteur, qui va jouer aussi avec les Cataractes normalement dès cette saison. Puis ça se passe bien, il devrait être encore là l'année prochaine aussi. Puis les Sacs, c'est une équipe d'une région. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire sans problème. On va voir si c'est faisable. Est-ce que vous entendez faire des démarches? Absolument. C'est sûr qu'on va déclencher quelque chose avec eux autres. C'est sûr que là, on a tout le choix à fouetter actuellement avec tout ce qui nous arrive, mais ça va faire partie des plans en cours de saison là, pour déléguer quelque chose avec eux autres. Dany, avant un gros merci. Je voudrais te reparler des autres catégories, puis oui, Atom, mais également pour avoir des nouveautés, parce que je sais que ça brasse pour les Castors. Oui. La semaine prochaine, on s'en parle. D'accord. Le président du hockey mineur, Dany Lavoie.